C'est lundi, il est pour nous à travailler. Ou pas blé-lévé ou amoureux. On nous fait mal et l'évé. Paraît-il un matinal. Un bon week-end qui est infernal. C'est un bitin fondamental. Marie Chantal. En cas senti vous toutou ni. Et moi-même en toutou ni. Car est ça ou qu'à transporter moi. On manie transport en commun. Si vous glaillez bien caché. Continuez. Chérie, tu me donnes ta passion et je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas manger sentiment, je suis plutôt super amant. Aujourd'hui, tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fête dans la vie, il y a le sexe aussi. Vas-y, Francky, c'est bon! Oh putain, je suis pliée. Vas-y, Francky! Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Non, vas-y Coma, vas-y. Bon, allez, dodo. It's me, are you sleeping? Je crois que je vais pas aller réécouter tout ce qu'on a fait hein. Ces derniers temps. Parce qu'on y a un peu beaucoup de jeux de guitare.